Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, voici les palmarès, c'est fou! Bonsoir et bienvenue à cette édition des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 21-27 novembre 2008. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 3 heures, on va se faire un petit condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un condensé? Ben, c'est les 15 positions francophones et les 15 positions anglophones les plus jouées à C'est fou dans le courant de la semaine. Oui, c'est très très bon, rempli de nouveautés. D'ailleurs, cette semaine, 3 nouvelles pièces. Du côté anglophone, il y a Block Party, il y a Sebastian Granger, qu'on va entendre dans quelques minutes. Mais on commence par la seule et unique nouvelle entrée. Du côté francophone, c'est la 15e. Voici Kevin Thompson et attitude polaire, entre parenthèses, ta tronche au palmarès, c'est fou, dans vos oreilles au 89 FM. Yeah. Sebastian Granger avec American Names en position numéro 15 d'anglophone. C'est la pièce titre de son plus récent album. Juste avant, c'était du côté francophone la seule et unique nouvelle entrée de ce côté-là, Kevin Thompson avec Attitude polaire, entre parenthèses, ta tronche. C'est descriptif comme pièce. J'aime bien ça. Dans les 14e places, du côté anglophone, c'est la dernière nouvelle entrée de la semaine, Block Party avec Mercury de leur album Intimacy. Mais tout de suite, voici Caïman Fou et Amour. Et Amour Poursuite. Et Amour Poursuite. Non, mais Amour Poursuite. C'est de même, ça se passe dans les panneaux, c'est fou, hein? Hein? C'est n'importe quoi. Ridicule. Bref, 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Vous aimez ça et vous le savez, essayez pas, là. Scars on my shins, scars on my knife. Mercury de Block Party! La dernière nouvelle entrée en tout dans les palmarès, mais la dernière aussi dans le côté anglophone en 14e place avec l'album Intimacy. Juste avant, c'était Caïman Fou avec une pièce qui était en nouvelle entrée la semaine dernière, Amour Poursuite, de leur album Drôle d'Animal. On passe aux 13e place du côté anglophone. C'était une nouveauté la semaine dernière. C'est Metallica avec Cyanide. Ça monte de 2. Mais tout de suite, voici les Mal Légers. Ça descend de la 9e place. Voici Embrasse-moi pareil dans les palmarès. C'est fou! Au 89 FM. Encore l'auteur de la shop, il est maison comme un mécanicien. J'entends pour le souper, je travaille encore samedi matin. Ces temps-ci, je fais de l'over, c'est parce que j'ai besoin de faire du foin. Et quand la paye est pas rentrée, je te garantis que ça va pas du bien. Embrasse-moi pareil, baby, embrasse-moi pareil. Tu sais que je suis là pour toi, baby, embrasse-moi pareil. C'est rien qu'un coup à donner, puis après tout, je suis pas si mal payé. L'argent est rare, je te le dis encore, et si on en peut, faut en gagner. Avec les projets dont tu m'as parlé, on en aura besoin, tu le sais. Ça fait qu'arrête de te chialer, puis laisse-moi aller travailler, puis embrasse-moi pareil, baby, embrasse-moi pareil. Tu sais que je suis là pour toi, baby, embrasse-moi pareil. Tu me connais mieux que ça, je passe pas mon temps à taverne avec les gars. Mais tout ce beau cash-là va se retrouver dans nos poches, je crains pas. Sois patiente, je te mens pas, on arrive à la fin du contrat. Et puis quand on y sera, t'en auras plus que t'en voudras. De shop, et mes salles de mécanicien. Je suis en retard pour le souper, ça m'empêche pas d'avoir faim. Je comprends que tu sois écœuré, ça fait déjà assez longtemps que ça tient. Mais quand la paix va rentrer, je te garantis que ça va faire du bien. Embrasse-moi pareil, baby, embrasse-moi pareil. Tu sais que tu l'as pour toi, baby, embrasse-moi pareil. Ça fait que, embrasse-moi pareil, yeah, embrasse-moi pareil. Embrasse-moi pareil. Avec Cyanide en position numéro 13 anglophone, ça monte de deux places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Juste avant, c'était les Maléchés avec Embrasse-moi pareil qui descendent de la 9e pour venir s'insérer en 13e place. Ça fait 7 semaines que c'est là, imaginez. Hein? C'était bon. Hein? Embrasse-moi pareil. T'sais. C'est le genre de message que je dirais à ma chérie en onde. Un beau petit bonjour et je t'aime. Ça ferait cute. Hein? C'est déjà fait. C'est le même. Je suis comme ça. OK. Donc, bref, trêve de plaisanterie, même si c'est vrai tout ça. On passe aux positions numéro 12. Du côté anglophone, il y a The Sound of Sea Animals avec Fractions of Fictions qui descend de 3 places. Mais tout de suite, voici la Baroque Machine et la saveur du mois qui descend de la 3e place. Donc, elle a été la saveur du mois, maintenant elle descend. Que c'est triste. Vous s'utilisez les palmarès, c'est faux, 89.fm. Que c'est toi, le spécial de la maison. s'en ira manger un autre repas. Le spécial de la maison est bon et chaud, puisqu'on a battu le fer à coups de marteau. Soundtrack as I lay my eyes upon a fiction that I wrote. Well, it's a fraction of a fiction. Sheets of paper. Sound of Sea Animals avec Fractions of Fictions en position numéro 12 anglophone, ça descend de 3 places. Juste avant, c'était la Baroque Machine avec La Saveur du Mois qui descend de la 3e place. C'est un simple et que je l'aime donc cette pièce. J'ai hâte d'entendre un CD complet, là, un nouveau CD complet de la part de la Baroque Machine un jour. On est rendu aux 11e place, mais avant ça, je dois vous dire que dans environ une demi-heure, ça va être la chronique Vidon là dont la question. Cette semaine, ben ça va être Torque FM prise 2. La suite passée, ça va être super drôle, ça, avec Marty Boy, tout l'humour extrême. Que voulez-vous, c'est quoi? Donc, regardons ce qui se passe ailleurs dans nos palmarès, parce que pour ceux qui sont pas au courant, les palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone. C'est aussi le top 30 des albums, le top 10 électronique, le top 10 loud et le top 3 des disques canadiens. Commençons par le top 30 des albums. Une seule nouvelle entrée en 22e place, The Great Outdoors avec Autumn. En 3e, ça monte d'une place, Stone River avec Valley of the Butterflies. En deuxième, c'est stable, Michael Rowe avec Crash Boom Bang. Et en première, ça monte de 4, c'est Chad Van Galen avec Soft Airplane. Dans le top 10 électronique maintenant, presque seulement des nouvelles entrées, 8 sur 10. Donc ça va prendre un petit bout. En 10e place, Ram Dass and Kreese avec Cosmics. En 9e, la compilation Verve Remixed Christmas. En 7e, Stand Egg avec Ultra High Tech Violet. En 6e, Simon Flower avec The Sum of Us EP. En 5e, Book of Shade avec Charlotte 12 Inches. En 4e, Plush Gun avec Dancing in the Midfield EP. En 3e, Carmen Rizzo avec Ornament of an Imposter Remixes. En 2e, Misery avec Rhythmic Trips. Et le numéro 1... Hein, un des seuls survivants, finalement, c'est la compilation de Clock Machine Turns You On Volume 2. Ça fait 8 semaines que c'est là, et si je me rappelle bien, ça fait pas mal 8 semaines que c'est au numéro 1 aussi. Hein. Ça fait un petit peu. Dans le top 10 Loud, maintenant, une seule nouvelle entrée en 10e place, Insurrection avec Prologue. En 3e, c'est stable, Unearth avec The March. En 2e, l'ancien numéro 1 qui descend un peu, c'est Metallica avec Death Magnetic. Et en première, ça monte d'une place, c'est Enslaved avec Vertebrae, oui. Et finalement, dans le top 3 des disques canadiens, une nouvelle entrée en 3e place, Stone River avec Valley of the Butterflies. En 2e, c'est stable, Michael Rowe avec Crash Boom Bang. Et en première, c'est nouveau, c'est Chad Van Galen avec Soft Airplane. Voilà, qui fait le tour d'un palmarès, d'un ailleurs dans les palmarès, qui est beaucoup plus long que d'habitude parce que j'aime autant de nouvelles entrées d'habitude. Que voulez-vous? De retour à notre palmarès pour la semaine du 21-27 novembre 2008. Donc, en position numéro 11 anglophone, on retrouve Stable, Library Voices avec Step Off the Map and Float, une de mes pièces préférées dans le palmarès en ce moment. Mais tout de suite, quelque chose qui vous importe plus que mon opinion sur les pièces, voici Carquois avec Le Compteur. C'est dans les palmarès, c'est fou. Et reste avec nous. Et puis aussi, tu sais, le gars, il sait ce que ça va quand même. Allez voir lunechance.com pour télécharger les balado-diffusions à chaque semaine et pour savoir ce qui s'en vient à l'émission avant même qu'elle commence. Comme une boule de cristal, mais en forme de ternette. Avec une souris pis dedans. USB pis tout. Tout est là. Comme les routes cassent sous nos Je sens que le temps passe sur ce qui m'entoure, plus que sur moi-même. De courir sur les mers déjà. Dans toute l'Amérique latine, plus de 200 millions de femmes n'ont jamais connu l'orgasme. La Fédération pour une éducation sexuelle socialement équitable, aussi appelée la FEC, lutte chaque jour pour que les femmes de l'Amérique latine aient accès au plaisir sexuel. Depuis que l'émission Bidon la question s'est associée à la FEC, vous pouvez faire une différence. Depuis que le monde écoute les Bidons, la don, la question, la FEC la fait jouir plein de femmes en Amérique latine, c'est malade. Dans 25 minutes seulement, au Palmarès, c'est fou. Seulement dans le sens de sur les ondes, c'est fou, c'est seulement ici. Mais il y en a ailleurs, mais pour être juste ici. Ça gère à Radio-Canada maintenant, à la radio, mais ils ont des capsules à Radio-Canada. Mais nous, ici, c'est juste ici. OK? Cool. Non, mais je voulais juste être clair, tu sais, vraiment pas dire que c'est seulement ici quand c'est pas seulement ici, finalement. Hey, allez voir leurs capsules, allez les écouter sur radiocanada.ca. Vidonladon.com, il y a leur capsule de Radio-Canada là-dessus. Très bien. Je vais aller me mettre en boule dans un coin pour un petit bout. Step up. Library Voices avec Step Off the Map and Float en position stable numéro 11. Juste avant, c'était Carquois avec le compteur qui monte d'une place, donc qui monte de la 12e à la 11e francophone. C'est bien l'album Le Volume du Vent. C'est la fin de la première heure des palmarès, donc on se quitte un petit moment à peine. Et on va revenir après avec plein de bonne musique, dont Band de Garage, Elvis Versa avec Sortez vos mitaines, ça va être une pièce de circonstance. Il y a Winter Gloves, donc des mitaines puis des gants, tout le tralala. Il manquait que, je sais pas, les foulards. Restez avec nous. Bonjour, c'est la deuxième heure des palmarès et fous avec moi-même Mathieu Plante. Oui, pour la semaine du 21 au 27 novembre 2008. Pourquoi ne pas dire la date comme ça? J'avoue qu'on m'a dit cette semaine, ma chérie, ma vie, que ça a vraiment pas de sens. Dans le fond, notre système, c'est semaine du 21 au 27 novembre, dans le fond, on est le 21 en direct aujourd'hui, puis c'est là que le palmarès, dans le fond, est fait, tu sais. Donc, c'est les pièces qui, quoi, vont être les plus populaires pendant la prochaine semaine, je sais pas trop. Bref! Trêve de niaisage. Allons entendre les positions numéro 10, parce que du côté anglophone, c'est Elliot Broad, et ça fait 10 semaines que c'est là. La pièce s'appelle Write It All Down, ça va certainement être dans le top de l'année au complet. En passant, top de l'année au complet, je peux révéler maintenant que l'émission C'était Fou en 2008 sera le 19 décembre de cette année à 17h. Hein? C'est beau ça! Vous allez entendre parler pas mal, croyez-moi, pendant les prochaines semaines. Mais avant Elliot Broad, on va l'entendre Automélodie avec Buanderie Jazz qui monte de 3 places. Ça commence maintenant! Dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM! Plaisir simple, non nuel. Rien à rajouter sur les jours légers qui tournent et foutent le camp comme des feuilles assouplissant et les jeunes filles dans le vent. Mais moi j'ai la tête lourde et si tu cherches, tu me trouveras en la vraie jazz. Rue du Progrès 623, et en vraie jazz. À moi que de Montréal, le sous-noir, puis André Jazz. Pour te souvenir qu'il s'efface pas, puis André Jazz. De nos jours, on se protège comme on peut. Dans un sèche-linge, j'ai caché mon cœur. S'arrête ainsi, j'en ai bien peur. Et nos lettres sont flammées dans la lessive, on va faire l'enfer. Quoi, je l'ai pas fait exprès, mais si tu cherches, tu me trouveras en la vraie jazz. Rue du Progrès 623, puis en vraie jazz. À moins que Montréal ne soit noir, puis en vraie jazz. Pour ton souvenir qui ne s'efface pas, puis en vrai jazz. Rien à retenir, sauf les soupirs sur notre histoire abandonnée dans le vide. Suspendu comme les orphelines, comme des guirlandes dans la vitrine. Ça amuse les touristes qui viennent me rappeler que ma vie n'est qu'un autre. Un badge, un foulard, une larme, hypochlorite sur ton slim jean. Oh, si tu cherches, tu me trouveras en la vraie jazz. Rue du Progrès 623, puis en vraie jazz. À moins que Montréal ne soit noir, puis en vraie jazz. Et elle me demande surtout pas ce qu'elle a de jazz. Tu reviendras en la vraie jazz. S'il est trop tard, tant pis pour moi, puis en vraie jazz. Et quand tu laisseras sans moi, je le saurai pas. Quand tu oublieras, dis-le moi. tu ne saurais pas. Elliot Brody, Write It All Down, en position numéro 10. Anglophone, ça descend de deux places. Ça fait 10 semaines que c'est là. Oui, je l'ai dit, ça va être dans le top de l'année au complet. Et ben, je vous rappelle encore, l'émission C'était fou en 2008 qui va se passer le 19 décembre en direct de 17h à 20h. C'est moi qui vais animer ça. Ça va être super bon. Ça va être le top de l'année au complet. Juste avant, c'était Automélodie avec Buandry Jazz qui monte de la 13e à la 10e. Il ne reste que deux pièces avant d'aller entendre la chronique du mot extrême « Vidons la don la question ». Donc on va entendre « Hey Rosetta », mais avant, voici « Winter Myths ». et en avion dans un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Ça s'appelle Les Palmarès C'est fou et c'est assez fou. Ben, tu sais, l'originalité règne là-dedans, tu sais. 89 FM. On ira en avion. New York et Paris, on arrive. La clé dans la porte, la clé dans la porte, la clé dans la porte, la clé dans la porte, la clé dans la porte, la clé dans la porte. On ira ta chemise. Senteur, ta voix dans l'appareil, le cœur se brise. La clé dans la porte, la clé dans la porte, la clé dans la porte. Darkest dirt. 18h15 le vendredi, environ 17h15 le mercredi. C'est l'heure de voir ce qui se passe encore une fois avec Marty Boy de Torque FM dans la chronique d'humour extrême. Vitons là dans la question. Vous écoutez Torque FM avec votre animateur Marty Boy. 3, 2, 1, go! Torque FM. Hey, salut la gang, bienvenue à une autre édition du Marty Boy Show sur Torque. Je reviens de vacances, je suis bronzé, comme à l'habitude, mais c'est pas grave, je suis encore plus bronzé. Une couche de plus à gratter sa tosse, il m'appelle la tosse dans ma famille. Fait que aujourd'hui la gang, cette semaine, on parle de gynécomastie. Gynéco comme dans gynécologue. Pis masti comme dans masti de tabarnak. La gynéco-masti, la gang, c'est un phénomène qui se produit chez les fumeurs de pot. Dans le pot, gang de hippies sales, il y a de l'estrogène, puis dans l'estrogène, il y a des boules. Puis ça a l'air qu'il y a des déchets de junkies qui fument tellement de pot qu'ils leur poussent des totons. Ça a-tu d'allure? Vous autres, la gang, qu'est-ce que vous en pensez de la gynécomastie? On va prendre un premier appel. Richard, lève-moi la slide du téléphone. Salut, t'es sur Torque. Bon matin, Marty Boy. Salut. Marty Boy, écoute, je vais seulement te dire, j'ai un pote à moi. Ouais. Il a fumé du pot tellement qu'il, comme tu dis, il a fini par en avoir là, des beaux tétons. Ce qui est surprenant, tu vois, c'est que je me surprends moi-même à lui regarder le décolleté, disons, s'il se penche ou s'il se ramasse quelque chose par terre ou s'il attache ses souliers, je lui mate le décolleté finalement. Ouais. Est-ce que c'est normal, tu crois, Marty Boy? Ben, c'est normal. Ils sont-tu gros, ces tétons? Deux gros lolos, là, oui, comme deux beaux melons, Marty Boy. Ben là, c'est normal, certains cassent. Moi, là! Les boules, j'appelle ça la deuxième paire de yeux, hein. Ouais. Quand la première paire, elle regarde ailleurs, moi, je fixe dedans. Fait que t'as pas de sentir mal mon casse. Parce que ton ami, c'est un phénomène de foire, puis il devrait se retrouver dans une cage à côté de la femme à barbe, là. C'est pas de ta faute. T'es un homme. Fait que, débarrasse. OK, prochain appel. Salut, t'es sur Torque. Salut. Salut. Ben moi, j'étais genre à porter des chandails filets, mais depuis que je me suis fait pousser des totons à force de fumer du pot, ben j'ai jeté mes chandails au vidange. Ben, puis à part de ça, j'ai pas rien qu'à jeter mes chandails filets dans le vidange. Ouais. J'ai jeté toutes mes chandails de laine au vidange, parce qu'à un moment donné, mes totons sont venus trop sensibles, puis la laine. Ouais. Ah, écoute, là, je venais c'est haute, là, sensible, là, mais c'est haute, là, à rien, là. Dès que je rentrais à la climatisée, pouf, c'est haute. Mais quand je te dis c'est haute, là... C'est haute, ben dur, le Marty Boy. Là, je te dis, là, j'aurais jamais dû fumer autant de potes. Ben, c'est sûr, mon cher déchet ou déchette, t'aurais pas dû fumer autant de potes, hein, le ou la casse, mais t'aurais pas dû acheter tes gilets en filet non plus, hein. Ah non? Sais-tu pourquoi? Parce que, on pose une question ici, là. Qu'est-ce que tu vas porter, mais que ton boss à la belle province réalise que t'es devenu un déchet freak, hein? Pis qu'il va te sacrer dehors, pis que la seule job que tu vas pouvoir te trouver, ça va être d'être waitress aux caresses serveuse sexy, la grosse. Ben, hein? Alors, tu comme moi, le seul conseil que je peux te donner, là, c'est jette pas ton rouge à lèvres avec. Ben, les croqueurs, ils tirent pas fort quand t'es pas maquillé, la grosse! Next call on Torque FM. Salut, Desert Torque. Salut, Marty Boy. Salut. Moi, j'étais un accro des donjons nature. Ouais. Ouais. Mais là, depuis qu'il m'est comme poussé des boules, ben, j'ai comme fumé trop de potes. Ouais. Calice, man, ça vient tout fucké, là. Uh-huh. Tu sais, moi, je joue un personnage de chevalier. Ouais. Puis, tu sais, les chevaliers dans les donjons nature, on se bat tout le temps en bédaine. Ouais. Mais là, moi, du coup, j'ai l'air, là, tu sais. Chevalier niveau 7, avec des tontons, tu sais. Mm-hmm. Des cheveux longs, une grosse barbe, mon épaule de mousse, des mains, des tontons, tu sais. J'ai comme plus aucune crédibilité, là. Ouais. Tu sais, le maître du jeu m'a même enlevé des points de vie, tu sais, genre, parce qu'il m'a vu, genre, avec mes tontons. Ben, moi, là, ton comment t'appelles ça, un maître du jeu? Ouais. Je le comprends, le casse. Parce qu'ici, là, on parle d'un joueur de Donjons et Dragons, là. Tu sais, les joueurs de Donjons et Dragons, là, c'est des petites bêtes farouches, ça. Hein? T'as dû y faire peur. Lui, là, c'était probablement la première paire de seins qu'il voyait dans sa vie de puceaux, de déchets, de nerds finis. Il a eu peur. C'est tout. On a vu de même. Ta boîte. Next call, dernier appel. On a presque plus de temps sur Torque. Salut, les sur Torque FM. Salut. Salut. un gros fumeur de pote, Marty Boy. On entend ça, ouais. Pis depuis que j'étais tonton, je me lâche plus. Ouais. J'aime assez ça, là. Ouais. Fait que ça me décourage pas partout d'arrêter de fumer. Ah, oh, ben bravo. Hey, bravo. Hey, parle-moi de ça, toi, un cochon qui est bien dans sa marde, hein? Ben, si t'es bien, reste bien le casse, hein? Comme Jonathan Pinchot disait. Je te souhaite une bien belle vie, heureuse, avec tes boules. Ben du bonheur, hein? Pis oublie pas de t'amener au resto avec tes boules, pis de t'acheter des fleurs une fois de temps en temps. Sinon, t'aurais peut-être pas le goût de t'enlever ta brassière le soir, pis tu vas commencer à faker d'avoir mal à la tête, le zouf. Ah, c'était vrai, c'est du Torque FM, hein? Marty Boy, il va pas relax avec le dos de la main, de la cuillère, de la main dans ta cuillère, là, hein? Hein? Il est méchant. Hein, je vous rappelle que c'est une parodie du collègue d'humour extrême de la part des gars de Vidon, là, dont la question, Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Les Palmarès, c'est fou, c'est le seul endroit pour entendre ces capsules-là, hein? Celles-là, là. Parce que, ben, je dois vous annoncer que depuis le début de la semaine, eh ben, Vidon, là, dont la question, font des chroniques à Radio-Canada. On est très heureux pour eux. Ils parlent d'élections, entre autres, c'était l'émission Vous êtes ici de Patrick Masbourian. C'est en semaine sur la première chaîne de Radio-Canada. Allez voir vidonladon sans le c.com qui redirige directement vers le site de Radio-Canada et vous pouvez entendre les chroniques. J'ai écouté, c'est très très drôle, mais c'est pas aussi vulgaire et c'est pas aussi dans ta face que les capsules exclusives au palmarès. C'est fou en ce moment. Voilà. Il y aura une autre capsule tantôt. D'ailleurs, pas une capsule en tant que telle, mais quelque chose, une surprise. Hein? Juste après la prochaine pièce qu'on s'en va entendre, qui est celle d'Elvis Versa, en 8e position stable francophone. Voici Sortez vos mitaines. Dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Se gèle le cul, ça sent déjà l'hiver, les gens s'enferment dans le tanière. Et un bon matin où on s'en attend le moins, sortez toutes vos pelles, habillez-vous dehors, on gèle. Dès qu'il y a cet hiver et qu'à présent tout est blanc, sortez vos mitaines, c'est à partir de demain qu'on se gèle la couenne. Raccommodez vos bas de laine, on va à Wayfret pendant une couple de semaines, et ça jusqu'à ce que le soleil revienne. Tout dans le village, on peut sentir le bout de chauffage qui brûle et laisse une odeur de chaleur. Sortez vos grands manteaux dehors, il fait en dessous de zéro. Habillez-vous comme des oignons pour affronter la dure saison. Les narines collées au beau milieu du mois de janvier. Ça, est-ce que ça fait chier quand t'as 1000 affaires à pied? On a les orteils qui gèlent, qui font mal quand ils dégèlent. Sortez vos mitaines, c'est à partir de demain qu'on se gèle la couenne. Raccommodez vos bas de laine, on va en Wayfret pendant une couple de semaines, et ça jusqu'à ce que le soleil revienne. Sortez vos mitaines. Les trottoirs se remplissent, camisoles et bas de cuisse. Serrez vos mitaines, c'est à partir de demain qu'on se chauffe la couenne. Partout, des gens qui vont et viennent. On va au show pendant une couple de semaines, mais ça jusqu'à ce que l'automne revienne. Sortez vos mitaines. Elvis Versailles, sortez vos mitaines stables en 8e position francophone. Tantôt, je vous ai promis une autre chronique de Vidon dans la question. Cette fois-ci, c'est pas vraiment une chronique ni une capsule, c'est plutôt un extrait d'émission, mais je trouvais ça drôle, donc retournons en arrière, flashback. La chanson qui a le moins bien performé sur le palmarès dans les deux dernières semaines, c'est une chanson de Cadavre à la morgue. C'est Mère Glace, sur laquelle je chante, featuring Mathieu Saint-Onge, et ça a vraiment floppé. Oh, vraiment, là, le monde n'a pas aimé ça. Non, c'est vulgaire, c'est mal tapé. C'est pas ça beau. Ça sonne cacane. Fait que c'est... Fait qu'on va faire jouer. Mais ça fait danser quand même. Donc, on va écouter Mère Glace de Cadavre à la morgue, featuring Mathieu Saint-Onge. Ah, vidons-la dans la question. Moi et ma chatte, je la flatte discrètement. La gamme a l'air de moi pour les enfants. C'est pour qui, mon chat? Oui, ça. Qu'est-ce que c'est donc, mon chapelet? On se voit des infirmières très permis de pêcher ma chair. On s'imagine que nos grands-mères ne veulent plus avoir de sexe. De câlins de parfums anciens. Un vieilli à poids. Laisse-moi te prendre le poussin. Ta chair complexe, mes couleurs. Les gros lolos sont devenus jello. Et la libido pour les gogo pour un tuto. Pour frôler la boule de bingo. Oh, moi, une vieille tout nue en soir. Rien que penser, ça me lève le cœur. Grand-mère, qu'avez-vous, grand-mère? Ah, pour moi, là, je dois être obsédé parce que chaque fois que l'infirmier et que le cursing me met bien dans la bouche, là, ah! Produis-lui des miouches, elle n'est pas sans une touche. Elle te supplie d'un air farouche de faire pouche-pouche dans sa babouche. Le doigt si loin de ta permanente. Stretch dans la ligne de pervermente. Le sentier plate l'hiver ta fente. Ben voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça, ce solo-là? C'est bien fucké. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Je lève ta jaquette, je te prends en lèvres. Contre ta marchette, j'éjacule sur ta manette. J'écoute tes doléances. Je suis la petite pute qui soigne tes souffrances. Le docteur, on s'en balance. Moi je les gagne mes indulgences. Vidon-la dans la question. C'était un retour en arrière avec un extrait d'une vieille émission de Vidon-la dans la question dans le temps que c'était une émission d'une demi-heure. Là. C'était drôle, hein? C'était bizarre, c'était fucké. Moi j'aime ça, j'aime vraiment ça. Je profite, je tords le torchon. La dernière bouillette, mettons, de Vidon-la dans la question jusqu'à la dernière goutte pendant qu'on le peut encore. C'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine pour cette chronique-là, toujours à partir de 18h15 les vendredis soirs, 17h15 à partir de là. les mercredis soirs pour ceux qui écoutent la rediffusion, parce qu'on commence à 16h au lieu de 17h les mercredis à la rediffusion. Bon, c'est clair, allez voir le cifou.ca pour en savoir plus sur la programmation de C'est fou et allez voir vidonladon.com pour entendre les chroniques que les gars de Vidon Ladon font maintenant à Radio-Canada à l'émission Vous êtes ici de Patrick Masbourian. Elles sont très bonnes, les chroniques, mais elles ne sont pas aussi vulgaires qu'à C'est fou. Si vous voulez quelque chose de vulgaire de la part de ces gars-là, c'est ici qu'il faut l'écouter. Hein? C'est clair. On est rendu position numéro 7 de nos palmarès. Non, en fait, il nous reste la 8e position anglophone. Oui, c'est Mother Mother avec Oh My Heart. C'est très, très bon. Ça a descendu assez rapidement de la première position. Mais bon, c'était numéro 3 la semaine passée. C'est la 8e cette semaine. Et voici tout de suite. Et après ça, ce sera nos 7e. Ben de Garage et Winter Gloves. Dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Mother Mother avec Oh My Heart, la pièce de leur album le plus récent, ça descend de la 3e place. Et puis, ben, plus tôt dans l'émission, c'était Elvis Versa avec Sortez vos mitaines qui était stable en 8e. On est rendu aux 7e position déjà de nos palmarès. Du côté anglophone, il y a Winter Gloves qui monte de la 13e place, des nouvelles entrées la semaine dernière de leur album About a Girl. Mais tout de suite, voici Ben de Garage et Campeur dans un condensé de la meilleure musique. Winter Gloves avec Let Me Drive. Position numéro 7 anglophone. Juste avant, du côté franco, c'était Ben Le Garage avec Campeur qui est stable, elle, en 7e. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Et à venir d'ici la fin de l'émission, vers les 19h15 le vendredi, 18h15 le mercredi, ça va être le Décéler Retro où on décélère une chanson que vous allez trouver drôle. C'est les Denis Drolet avec Fantastique. Aussi, d'ici la fin, il va y avoir des gens stupides qui font des choses stupides dans la chronique Le Plancher. Mais pour l'instant, c'est les positions numéro 6 du côté anglophone de Campbell Apartment avec Long Distance Relationship is a four-letter word qui monte d'une place. Mais avant, voici Le Monde dans le Feu et Un coup mal pris, oh oui! Premier tour de la révolution! Pas lâché pour s'approcher de ce à quoi ça pourrait ressembler, mais ce qui est bon pour moi est bon pour moi. Ce qui est bon pour toi est bon pour toi. On va se mettre un chapeau dans mes portes en chapeau quand ça te donne le bout des suppléments moyens. On va se mettre un chapeau dans mes portes en chapeau quand ça te donne le bout des suppléments moyens. Long Distance Relationship is a four-letter word de la formation de Campbell Apartment dans les palmarès fou. Ça, c'est le numéro 6. Juste avant, c'était Le Monde dans le Feu avec Un coup mal pris qui monte de 4 places. Ça, c'est un bloc court. Hein? Court mais bref, comme certains le diraient. Je sais pas qui, mais bon, peu importe. On est rendu position de déjà numéro 5. Encore les choses passent vite. Oui, vite. Vite comme vous, en train de taper sur un clavier www.unechance.com pour aller voir ce qui se passe dans l'émission d'aujourd'hui. Allez cliquer sur les liens, télécharger la balade de diffusion, voir quelles pièces vont jouer dans le bloc de l'autre côté de la clôture qui s'en vient d'ici la fin de l'émission. D'ailleurs, pourquoi ne pas vous dire que le bloc de l'autre côté de la clôture, c'est quand on passe des pièces qui sont populaires dans d'autres palmarès que celui de ces fous et que peut-être qu'un jour, que peut-être que ça va traverser la clôture pour venir de notre côté. Hein? Ce serait le fun. Donc, je disais, position numéro 5. Du côté anglophone, je regarde ça, là, c'est The Steels avec Snow in California. Mais tout de suite, c'est Cœur de Pirate. Oh, c'est cute! C'est cute! J'ai tellement cœur! Ah, sortez les guimauves, là. Je sais pas la chose. Alors tu vois comme tout se mêle. Et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant. Et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il meurt

Snow in California des Stills dans les palmarès. C'est fou, ça c'est la position numéro 5. Ça monte d'une place avec leur album Oceans Will Rise. C'est la deuxième pièce de cet album-là et pas mal meilleure que la première selon moi. Et toi? Ben oui, c'est, moi aussi je trouve que celle-là est vraiment meilleure que l'autre. Ouais, c'était quoi déjà le nom? C'est, je la vois. Snake Charming The Masses. Ouais, c'était bonne celle-là aussi. Là. Moi, quand j'ai écouté l'album, c'était celle-là qui m'avait frappé le plus à première écoute, mais Snow in California est vraiment meilleure. Vraiment, hein? Puis tellement à propos, hein, j'imagine. Non, mais peut-être qu'un jour il va neiger. La semaine passée, j'ai dit pendant la rediffusion, il va neiger. C'était exactement le cas. Ah ouais? Hein? Ben, en tout cas, dans la journée, là, peut-être pas à l'heure précise. Donc, on va se réessayer cette semaine. On va se dire qu'un mercredi, la rediffusion, là, il va neiger à mort. C'est vraiment proche de tes rediffusions. Hein? Ah, moi, mes rediffusions, puis moi, on est de même. Symbiose. Chumé, là, tu crées pas ça. J'adore, je tripe dessus. Si vous voulez connaître les heures de rediffusion de toutes nos émissions, parce que pas mal toutes les émissions qu'on a sont diffusées, finalement, allez voir le www.sif.ca. J'ambitionne extrêmement beaucoup quand je dis ça. Là. C'est vraiment des blagues. Là, j'extrapole et j'extravagande et je. Comment non? Ouais. Je fais quelque chose, finalement. Hein? On s'entend là-dessus. Oh, ça, c'est clair. faisons des plugs. Puis, ouais, moi, j'aime ça faire des plugs quand t'arrives. Ouais. Ça m'inspire. Ça te fait penser à la plug. Ouais, ben, toi, t'as l'air d'un gars qui plug les affaires. Je sais pas. Donc, au hasard, je pointe sur mon écran. Là. Les Petites Brous, avec mon ami François-Olivier Marchand. Très bon, ça. C'est l'émission qui parle surtout d'alcool. D'alcool, ouais. Ah, c'est une émission de Soulon, ça. Il y a une chronique de scotch, les bières importées. Il y a des... Il parle de plein d'affaires là-dedans. Des découvertes de vin, même. Imaginez ça. Il y a tout là-dedans. C'est les Petites Brous, c'est les mardis à partir de 16h. C'est présenté par le Trèfle hein, et par la Barrique. Mais c'est surtout présenté, préparé par François-Olivier Marchand. Là... leur concept. Culture rock, oui. Leur concept, c'est les lundis soirs à partir de 20h. Une émission où on prend un album concept au complet et on le joue. Hein? Ça dépend des fois. En tout cas, il y a différentes manières de faire ça. Et ça rejoue ça le jeudi à partir de 14h. C'est avec Simon Fitzbé. Très bon gars, ça aussi. As-tu quelque chose à plugger, toi, sans le faire au hasard? Comme ça, ouais. Moi, j'ai pas l'horaire sous les yeux. Mais qu'est-ce que t'écoutes? Assez fou, toi, qui est tellement branché dans l'actualité des radios. Fait que là, j'ai comme pas le choix de sortir t'as quelque chose. Pas le choix donc, de dire. On pensait que j'écoute pas, c'est fou. Exactement. Je sais pas, hein. Je pense qu'on la plug souvent, mais je pense qu'on en a parlé en fait la semaine passée. Mais récemment, ce que j'ai écouté, là, assez fou, c'est les Betteraves Hurlantes. Oui, ah, sont drôles, les autres, hein. Oui. Ils sont très drôles. Sinon, tu peux même pas te serrer, tu sais même pas l'heure. Puis ouais. Ben oui, c'est, entre autres, les jeudis en rediffusion de 15 à 16 heures. Mais en direct, je pense que c'est les mercredis soirs, c'est ça? Non, c'est les mardis soirs, à partir de 18h. Hein? Avec Alex Drouin et Gabriel Raymond. Je suis comme en train de passer un test sur l'horaire de ces fous. Il va y avoir un test plus tard pour vous à la maison aussi, donc préparez-vous. Hein? On va vous donner une note sur 100, ça va être super bon. C'est la fin de la deuxième heure, donc on se quitte pour quelques minutes. On se retrouve après avec, entre autres, la musique de Chinatown, Vanessa Pariétaire, Michael Rowe, Stone River et Chad Van Galen. Et le Décidérotron dans environ 15 minutes. C'est pas mal assez fou, restez avec nous. Troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 21 au 27 novembre 2008. J'ai eu de bonnes nouvelles par téléphone. Oui, Gary m'a téléphoné pour me dire qu'en ce moment même, live le vendredi soir 21 novembre, il neige à Deschambault, qui est à mi-chemin entre Montréal et Québec. Non. Entre Trois-Rivières et Trois-Rivières, exactement. Hein? Et puis lui, ce qu'il nous dit, là, ce qui est vraiment intéressant pour les gens qui connaissent les radios universitaires, c'est que c'est fou, il est au 89.1 FM, et quand il prend la route vers Québec, à un moment donné, le 89.1 FM, il fait comme... Ouh, il arrive sur CKRL. CKRL, ouais, Québec. C-Crawl, ouais. Moi que je les appelle. Ouais. Yeah. Bref, bon à savoir. Merci, Gary. Mais non, c'est pas, par exemple, qu'est-ce qu'il fait comme température à Deschambault pendant la rediffusion. Ah, ben ça, par exemple, il va falloir demander à Future Gary. Faudra voir qu'il nous rappelle. C'est ça. Ah, il voulait un voyage à Cuba. J'ai pas ça avec moi. J'ai pas ça stock, malheureusement. Un jour, rappellera-t-il pendant une soirée où nous ferons des concours, hein? Oui, comme à chaque année, là, quand on fait tirer le voyage à Cuba. Exactement, c'est ça, grosse affaire. Bref, on est rendu aux positions quoi? Renseigne-moi, Kiwan, on était rendu aux positions numéro 4. Ouais, c'est ça, tantôt on a entendu les 5. Donc, logiquement, on est rendu aux positions numéro 4. Ben, tout à fait, je te couronnerai génie, moi. Oui. C'est facilement impressionnable. Voilà. En quatrième anglophone, on retrouve Sylvie qui était numéro 1 la semaine dernière avec Please Make It Home. Ça a descendu 3 places. C'est triste, ça. Mais du côté francophone, ça monte de 2. C'est J'aime le thé et la justice de André. Eh bien, dis-moi pas. Hein? Hein? C'est les palmarès C'est fou à condenser de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Au 89.1 FM. J'aime le thé, j'aime la justice. Je n'ai pas de compassion. Plus j'avance, plus je tourne à droite. Lentement je durcis. Maintenant je me vois comme toi. Plus de providence, chacun pour soi. Car je finirai comme toi. C'est inévitable, plus fort que moi. Le temps passe, il en reste moins qu'avant. Les peurs Sylvie et Please Make It Home, l'ancien numéro 1 de la semaine dernière, qui est maintenant en quatrième position anglophone, ça met de l'album Trees and Shade, Our Only Fences. Et juste avant ça, du côté francophone, c'était à la sixième la semaine passée, et c'était André avec J'aime le thé et la justice. Donc on n'a pas encore entendu notre numéro 1 de la semaine dernière, qui était Vanessa Perrier. Toujours pas. Oui, la pièce s'appelle Exil, et c'est très bon ça. Est-ce que c'est encore numéro 1? Don't know. Non, c'est ça. Non, mais moi je le sais, fait que je fais pas semblant d'être étonné ou d'être sous le suspense. Là, mais... Nous, on nous dit des choses au fur et à la mesure. Hein. Moi, en tout cas, là, toi, tu dis tout savoir parce que t'es bien, bien fendant. Mais sinon, là, ça descend. Ça descend du ciel. Oui. Oui, oui, d'une barbe. Ouais. Ça descend d'une barbe. Ça descend d'une barbe. Bref. Le Saint-Père. Notre Dieu a une barbe. Voilà. Our God has a barb. OK. Vous êtes dans le Crazy Countdown. Les palmarès, c'est fou, 89 FM. Condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Oui, on appelle ça le Crazy Countdown. Quand on est très anglophone. Hein? Ouais, tu vas faire un nouveau thème sur l'air de Final Countdown. It's the crazy countdown. Oh, yeah. Ce serait terrible. C'est cœur. Ouais. Cœur. On va faire ça. Mais pour l'instant, avant d'enregistrer ça, nous, avec notre budget extrême dans nos studios de production de la mort, là, qui est dans le fond une chaise, un bureau et un ordinateur avec deux colonnes de son, hein? On va l'entendre les positions numéro 3. Du côté anglophone, c'est Stone River ou Rivière de Roche avec Can't Help Loving Her. Je peux pas m'empêcher de l'aimer. Ça monte d'une place. Et du côté francophone, ça monte d'une place aussi. C'est Tour Assassin de Chinatown ou Chineville. Chineville. C'est la Chine, finalement. Hein? Voilà. Tu penses qu'il vient de là? Hein? J'en doute. Mais... C'est probable et pas impossible. Contrairement aux noms dans Random qui sont improbables et impossibles. Ouais, j'avoue, hein. C'est rien de réel là-dedans. Gary Bob, Shandy Manolo. Célina, Jean-Félix. Mais là, finalement, là, Manolo puis Constance, ils l'ont-tu fait? Ben, bonne question. Ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté. Ben, écoute les paroles d'Éléphantine, faut peut-être voir. OK. Toi, Assassin, dans le Crazy Countdown! In your ears, it's Crazy That. Crazy That. Motherfucker! Ce chat dans ma gorge ronronnera et je bénirai la pluie qui tombe et je redormirai comme un roi. Oui, mais en attendant, je ne pense qu'à toi. Tu es loin de moi et je n'ai rien pu faire. Et les zestes amers pour sauver la terre. Cuisante défaite, ma course s'arrête, je suis en enfer. Et les dés sont lancés, où vais-je échouer quand cessera le tonnerre? Je ferai les 400 coups dans le vain espoir d'une force qui demeure. Sa tour assassine, Claudine danse dans la

Stone River avec Can't Help Loving Her en position numéro 3, anglophone. C'est l'album Valley of the Butterflies. Y a-t-il quelque chose de moins viril que des papillons, par exemple? T'sais. De moins viril? Moins viril. On peut sûrement trouver. Toi? Ou entre autres. Genre. Moi, avec un papillon sur l'épaule, mettons. Oh, t'es cute! En train d'écouter du cœur de pirate. Genre. Genre. Qu'est-ce qu'on a entendu du côté francophone? C'était Tour Assassin du groupe Chinatown et ça montait de une place. Ça, c'est un Italien quand il dit Tour Assassin. Tour Assassin. Comment tu ratatines et ça veut dire? Ben, tu ratatines. OK. Toi, ratatine. OK, parlons de choses à l'envers, là, comme mes blagues. Là, allons, pénétrons, hein? Pour utiliser un mot que tu connais, parce que tu le dis souvent, vu que tu es un pervers, etc. Hein? Ben non, je le connais parce que j'ai un vocabulaire vraiment incroyable. Bon, c'est ça. Entrons dans le décélérotron. Sans se faire piler dessus, y'a des feux d'artifice, ça sent le dentifrice. Les magasins sont ouverts très tard ce soir. On peut se piquer dans la rue en mangeant des pogos, des policiers tout nus qui tirent dans des flaques. Les lampadaires sont verts, c'est fantastique. Fantastique, fantastique, oh oui, c'est fantastique, fantastique, oh oui. Denis Drolet avec Fantastique dans le décélérotron des palmarès, c'est fou. Oui, si vous voulez l'entendre à l'inverse, hein, pas cette pièce-là, mais l'accélérotron, c'est les batteries violentes qu'il faut écouter. Et, ils nous ont copié complètement, hein, dans le fond. Hein. Je l'avais pas dit, mais j'ai eu l'idée bien avant. C'est juste que tu l'avais jamais mise à exécution. C'est ça. Hein? Bon. Hein? Écoutez pas les batteries violentes, finalement. Écoutez les palmarès, c'est fou. Hein? Mettez un X là-dessus. Non, mais cette pièce-là, décélérée, pas pire, on imagine surtout bien les Denis en train de la chanter au ralenti, ce serait vraiment beau. Ah, puis après ça, on pourrait l'accélérer. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça donnerait. C'est un pensez-y bien, ça. Hein? Bon. Encore une idée originale de Mathieu. Tout ben, copyright stamp! Comme une vache avec un fer. Stamp! Bon. On est rendu aux positions numéro 2 du côté anglophone. On va aller entendre Michael Rowe avec Pretty Thing. On pourrait pas dire la même chose des Denis Drolet et des batteries violentes. C'est stable en deuxième position. Mais du côté francophone, c'est stable aussi en deuxième position. C'est Monsieur des Cowboys Fringants. Penses-tu que ça a marché la fausse compétition entre les batteries violentes et nous autres? Ah, ils sont trop forts, là. Ouais, il y a pas de compétition. Hey, c'est nous autres les plus forts. Pams, go, Pams, go! Ouais, je crois au palmarès. Je crois à la barbe. Oui. Je dormais pas beaucoup depuis quelque temps. Un ami médecin lui a même prescrit des calmants. Tantôt lorsqu'il sortira, il devra faire semblant que tout est sous contrôle et puis le dire en souriant. Même si les sondages le placent un bon dernier et que les scandales vont finir par le couler. Il y a la grève générale qui ne fait qu'empirer. tous les syndicats qui ne veulent pas collaborer. Et puis comme si la marde n'était pas assez pognée, son ministre de la Santé vient de démissionner. Ce salaud vient de lui faire le coup de Judas. Il devra garder son calme devant les médias. Quand monsieur met son veston, il met sa carapace. Une fois noué la cravate, tous les mots en surface. Sous les projecteurs, il sourira plein de dents, affichant toujours son petit air confiant. Monsieur arborait maintenant les cheveux grisonnants. Durant son mandat, il avait vieilli de 20 ans. Il se souvenait de tout le travail qu'il avait fait et des gens qu'il a tassés pour se rendre au sommet. Il y a tellement de promesses qu'il n'a pas tenues. Il a si bien menti que parfois même il s'est cru. Seul dans son bureau, il méditait sur le pouvoir. Lui qui aurait aimé changer le cours de l'histoire. Mais les décisions ont souvent le sourd des dollars. On est toujours le pantin de quelqu'un quelque part. En soirée, il doit se rendre pour lire une adresse à un puissant ami de la chambre de commerce. Quand monsieur met son veston, il met sa carapace. Une fois noué la cravate, tous les mots en surface. Sous les projecteurs, il sourira plein de dents, affichant toujours son petit air charmant. Maintenant est dans ses derniers retranchements. Dans les coulisses, déjà quelques noms sont sur les rangs. Les médias parlent de sa probable démission. Avec lui, aucune chance de remporter l'élection. Et ça grenouille dans les couloirs du Parlement. Les dauphins s'informent du roi agonisant. Mais monsieur n'est pas amer, il sait ce qui l'attend. Il a lui-même été hypocrite si souvent. Des tapes dans le dos qui auront l'effet d'un poignard. Et le concert d'éloges de ses amis charognards. Allez qu'on en finisse, il est grand temps que ça cesse. Tout est mis en place pour la conférence de presse. Quand monsieur met son veston, il met sa carapace. Une fois noué la cravate, tous les mots en surface. Sous les projecteurs, il sourira plein de dents, affichant toujours son petit air confiant. Quand monsieur met son veston, il met sa carapace. Une fois noué la cravate, tous les mots en surface. Sous les projecteurs, il sourira plein de dents, affichant toujours son petit air charmant. We'll be right back. McElroy et Pretty Thing stable en deuxième position anglophone. Ça fait 7 semaines que c'est là, ça vient l'album Crash Boom Bang. Et du côté francophone aussi, c'était stable. C'était Monsieur avec les Cowboys Fringants. Tu sais que le numéro 1 de la semaine passée du côté anglophone, ben, on l'a entendu, qui est rendu en quatrième, Sylvie avec Please Make It Home. Donc, on a quelque chose de nouveau en première place. Mm-hmm. Mais du côté c'est... francophone, le numéro 1, c'était Valise Pariétaire. Et on l'a pas encore entendu. Donc, moi, ben, le doute règne, je sais pas. Non, mais ça pourrait être sorti aussi du palmarès. Oui, c'est déjà arrivé le pire. Hein? Ah ouais. Oui? Oui, vraiment, le numéro 1 une semaine, puis l'autre semaine après, plus là du tout. Ça a l'air très crédible, ça. Genre, on a perdu le disque. Là. Genre, quelque chose du genre. Où ça a commencé à jouer ailleurs. Bref. Ce qui nous reste, c'est seulement nos numéros 1. Après ça, on va passer de l'autre côté de la clôture pour voir qu'est-ce qui est populaire dans les autres radios universitaires et communautaires du Canada avec l'aide de Earshot Online. Aussi, ce qui s'en vient, on va parler de gens stupides qui font des choses stupides avec la très célèbre chronique Le Plancher. Hein? La très demandée. Oui. Le Plancher. Ah, je compile ton vote. Tous les votes sont vraiment toujours sur le plancher. Tout le monde veut ça. Comme il appelle, je veux le plancher, je compile ton vote. Tout le temps, c'est super la fin. Bref, numéro 1, du côté anglophone, qu'on va entendre tantôt, là, je te dirais que, tu sais, ça pousse pas dans les arbres des hits comme ça, tu sais. Hein? Ça pousse pas dans les arbres. Des soul pleureurs, surtout, là, ça pousse pas là-dedans. Non? Non. Ok. Pense pas à ça. Pense pas à ça. Veux-tu faire un jeu de mots du côté francophone, toi? Non. Non! Bon, ben, va-t'en! Va-t'en en exil! Ouais, c'est ça, je vais m'exiler, là. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, pariétaire? Je sais pas, hein. C'est une bonne question, hein. Question pour le dictionnaire, ça. Le pari est clair. On va miser là-dessus. Le pari. Pari est. Ma job vient de tomber à terre. Mon pari est à terre. Pari est à terre. C'est fait. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. John Van Galen avec Willow Tree, position numéro 1 anglophone. Ça monte de 4 places avec The Soft Airplane, son album. Et c'est très bon, ça. J'ai eu dans la tête pas mal cette semaine. Je suis content de la réentendre. Oui, elle a joué beaucoup. C'est pas pour rien qu'elle est numéro 1. C'est une bonne pièce. Pouvoir de déduction, toi, hein? C'est bien. Du côté francophone, c'est la troisième semaine d'affilée que c'est numéro 1. C'est Exil de Vanessa Pariétaire. Wouhou pour eux! Hey, c'est rare, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une pièce qui reste aussi longtemps que 3 semaines d'affilée au numéro 1. C'est en effet extrêmement rare et ça ne surprendrait pas que ça reste encore dans le palmarès au moins très longtemps, peut-être pas au numéro 1. Je m'attends à ce que... Je sais pas s'il reste assez de semaines dans l'année pour que ça puisse être considéré pour le top de l'année au complet. Je suis pas sûr. En tout cas, étant donné la fréquence à laquelle ça joue dans mes émissions, là... Ouais. Ben, il reste quand même pas mal de semaines, là, si on y pense. L'émission C'était fou en 2008, ça va être le 19 décembre à partir de 17h. Donc, il reste au moins, je sais pas, sûrement 4 semaines, peut-être, dans ces coins-là. S'il reste 4 semaines... Ouais, il reste 3 semaines, non seulement. Donc, ça fait 9. OK, total de 9. Pas le 10. Ça risque pas d'être au sommet, mais au moins, ça va être à quelque part dans le top. Ouais. À quelque part, probablement. Ce que je sais qui va être dans le top, c'est Elliot Broad avec Write It All Down. Ça fait 10 semaines que c'est là. On l'a entendu un petit peu plus tôt dans l'émission. Ça risque de coller encore un petit bout, ça, dans le palmarès. Ça risque d'être pas mal vers le sommet, il me semble. Je sais pas. On va voir. On va voir. Donc, on a terminé notre palmarès des deux côtés, top 15 franco et anglo, pour la semaine du 21 au 27 novembre 2008. Ce qu'on va faire, c'est maintenant monter sur la clôture avant de passer de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, on trouve des pièces qui jouent dans d'autres radios universitaires et communautaires. Mais sur la clôture, c'est des pièces de notre palmarès, au moins des artistes de notre palmarès, mais on découvre d'autres pièces d'eux. Hein? C'est un méchant concept. Des artistes méconnus dans notre propre palmarès. Et voilà, parce que c'est pas parce qu'ils ont une pièce connue, là, comme Winter Gloves, mettons, avec Let Me Drive, qu'on a entendu plus tôt de leur album About a Girl. Ça veut pas dire qu'ils ont pas d'autres bonnes pièces là-dessus, hein? Bon, ben oui. On va se fier sur le concept clôture pour nous le dire. Oui, ben plus tard, on plantera des bâtons, des poteaux de clôture. D'autres jours, on peinturera la clôture. Ben il y a de plus en plus de chroniques qui portent le nom clôture. Oui. Bon point. Tout de suite, voici donc Winter Gloves avec la pièce Party People. Et ça se passe maintenant dans les Palmarès. C'est fou! It's the Crazy Countdown. The Crazy Countdown. It's the Crazy Countdown. Oh yeah. 89.1 FM. Oh, is missing, I'm not getting through. Fresh air is missing, I'm flying through. Que je me pose, s'oppose en prose. Personne ne veut y répondre. Ou on me dit que je m'en fais pour rien. On ne veut pas que je pense, alors qu'on me coupe la tête. Ta-da-da, ta-da-da. Pas halluciné sur la LSD. Ils peuvent souhaiter que les mensonges font de la réalité. Des histoires qu'on m'a racontées, qu'on raconte. Des bla, des bla, bla, bla. Histoire historique où l'on m'implique. Religion, injustice raciale. Riches et pauvres se côtoient en deux mondes parallèles distincts. Où l'un est dépourvu de bonheur et l'autre regorge de luxe. Je sais, je suis seul en plein névrose. Mes pensées m'imposent un paradoxe qui ne se termine plus. Je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Quand j'y pense, finalement, faudrait changer. Présent conjugué ou passé qui fait railler toutes sortes de conneries. Par exemple, Mohamed, Maurice, Jesus. Ouais, la fonte c'est une histoire de gaucho. Une guide canadienne nordique. Quand Stachny nous avait éliminé les moins de ce temps-là, je pensais que j'étais squid. Kevin Thompson et Névrose de son album éponyme. C'est sur la clôture des palmarès en ce moment. Donc, c'est une autre pièce d'un artiste qui vient de faire sa pénétration dans nos palmarès. Avec la pièce Attitude polaire qu'on a entendue en 15e place. C'était une nouvelle entrée en début d'émission. Juste avant ça, c'était les Winter Gloves qui, eux, présentement, sont en position numéro 7 avec Let Me Drive. On a entendu la pièce Party People. Donc, on l'a découvert avec vous. et tous ensemble d'autres pièces de nos artistes. On était tellement fiers d'eux autres. Maintenant, on serait rendu à passer de l'autre côté de la clôture, je pense. Tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait, Kiwan. Mais avant ça, parlons de choses stupides qui font les choses stupides. Oui. Avec des pédifous, des pédifous. Notre chronique Le Plancher, donc les gens stupides qui font des choses stupides, commence en Angleterre cette semaine où un employé de supermarché fait face à une action disciplinaire car il a prétendu être malade pour ne pas aller travailler alors qu'il déclarait être sorti sur Facebook. Le taquin. Tom Jones, oui. Party people. Tom Stones, magasinier chez Tesco, a été pris en flagrant délit par ses directeurs alors qu'il devait travailler de 18h à 22h. Il a appelé ses responsables en se disant malade. Les responsables qui ont lu peu après un message de l'intéressé sur Facebook déclarant qu'il avait passé une bonne nuit. Appelé à une audition disciplinaire, Tom Stones a déclaré au journal The Sun que ses employeurs sont allés un peu trop loin. Selon lui, il se serait senti mieux vers 23h et serait ensuite sorti. Si le porte-parole de Tesco nie utiliser Facebook pour espionner ses salariés, il déclare cependant que quelqu'un a indiqué la supercherie à la direction. Le mois dernier, un ouvrier d'un centre d'appel australien qui s'était déclaré malade auprès de ses employeurs a été sanctionné car il avait mis à jour son statut sur Facebook en vantant son jour de congé. Ah, les taquins, ça ne sont pas fins, ça. Non. Là, ça veut dire qu'il y a des gens qui... les gens qui surveillent ça vont sur Facebook pendant leurs heures de travail, donc c'est ce que ça veut dire. Ah, ah, ah, oh, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Petit conseil aux gens, barrez donc vos profils pour que seulement vos amis puissent les voir. C'est pas vite là, de faire ça. C'est vraiment pas fort. Là. Vraiment pas fort. Moi, en tout cas, je suis content qu'il ait été réprimandé, le gars. Parce qu'il mérite rien que ça. Mais par contre, de l'autre côté de la médaille, il me semble que ce serait plus sain pour tout le monde si on pouvait tous avoir des jours de santé mentale. Dans le sens que, tu sais... Tu mérites un jour de congé à la place de te taper un burn-out, des fois. Des fois, ça vaut la peine de prendre un jour de congé. Les boss devraient l'accepter. T'sais. On a des jours de maladie. Si on veut les utiliser pour autre chose qu'une maladie, ça devrait être accepté, ça. C'est juste pour ton bien-être mental. Ouais. Hein? C'est ton éditorial, ça. Et voilà. Continuons notre chronique de gens stupides qui font des choses stupides en visitant l'Italie. Le divorce a été accordé à un homme car sa belle-mère ne cessait de le harceler. Luca Rossi, un artisan de 36 ans, a expliqué à la cour que durant ses 4 mois de mariage, la mère de sa femme ne lui avait pas accordé un seul moment de répit. Monsieur Rossi a expliqué qu'il n'avait jamais apprécié les histoires drôles et les plaisanteries concernant les belles-mères, mais que son mariage était devenu un enfer à cause de la sienne, dès le moment où il avait dit « je le veux ». Celle-ci se serait en effet immédiatement immiscée dans les moindres faits de sa vie conjugale. Et aujourd'hui, M. Rossi envisage à nouveau de se marier, mais aspire à des relations plus normales avec sa future belle-mère. Est-ce que t'as des problèmes de belle-mère? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement, c'est fin. Continuons en Pennsylvanie, aux États-Unis, où Casey Daniel Rahab, 18 ans, a été arrêté après avoir passé un appel téléphonique prétendant qu'une bombe menaçait d'exploser au lycée de Shamokin. Le jeune homme a déclaré à la police que son appel n'était qu'une blague et qu'il souhaitait juste permettre à sa petite amie de quitter le lycée pour venir le rejoindre. Arrêté 2 heures après son canular téléphonique, Casey Daniel Rabb est passé devant le juge avant d'être conduit à la prison de Sunbury, dans le comté de Northumberland. Sa caution a été fixée à 20 000 $ américains. T'sais, une chose que tout le monde sait qu'il faut pas faire comme blague. T'sais, on peut en faire plein des blagues douteuses, de n'importe mauvais quoi. Goût, mais t'sais, celle-là... C'est une attaque terroriste aux États-Unis, tu sais, tu penses pas que ça pourrait peut-être te causer des problèmes. Juste au pire, tu sais. Je sais pas. Ah, les gens, hein. Voilà, c'est donc les gens stupides qui font des choses stupides. Si vous voulez retrouver les liens de la chronique, passez donc par le merveilleux site de l'émission qui se trouve à quelle adresse, Kiwan, le site de l'émission, hein? Ben, j'imagine que ça doit être au unechance.com. Ben, une chance qu'on a unechance.com. Une chance. Une chance. Passons donc de l'autre côté de la clôture avant que l'émission se termine. Ça, c'est des pièces qui jouent, en fait, des albums qui jouent dans d'autres stations universitaires et communautaires du Canada. Par quoi commence-t-on, Chain? Kiwan? On pourrait commencer par entendre la pièce Chain du groupe School of Seven Bells. Quel bon issue. Ça au hasard comme ça. Au hasard. Et après ça, on entendra la pièce For the Price of a Cup of Tea de Bell & Sebastian. Voilà. Belle and Sebastian. Avec la pièce For the Price of a Cup of Tea de leur album de BBC Sessions. Juste avant, c'était School of Seven Bells avec leur album Alpinisms et la pièce Chain. Et je regarde ça, School of Seven Bells viennent de Brooklyn et puis Belle and Sebastian viennent d'Écosse. Peut-être qu'on entendra ça dans les palmarès un jour. On espère bien parce que là, ils sont présentement dans les autres palmarès des autres radios universitaires et communautaires. Belle and Sebastian est en 37e du palmarès Earshot, alors que nos amis de chez School of Seven Bells sont en 9e place cette semaine. Allez voir le earshot-online.com pour en savoir plus sur les autres radios. Bon. Ce qui s'en vient après nous, les vendredis soirs à partir de 20h, c'est la dernière porte à gauche. C'est Kiwan qui anime ça. Qu'est-ce qui se passe ce soir, mon Kiwan? Aujourd'hui, pour l'émission, je me sentais comme semi-nostalgique. Ça va être des jeunes classiques pas mal de C'est fou. Genre des pièces qui ont joué beaucoup ici dans la dernière ou les deux, trois dernières années. Voir entre autres du Carl-Éric Hudon, voir du Bleu, du Damien Robitaille. Puis comme nouveauté, j'espère bien pouvoir faire jouer du Keith Kuna, le chanteur des Ghouls que j'adore. Ouh. Bon, ben ça va être très bon. C'est à partir de 20h les vendredis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nos palmarès, c'est fou. Toujours les vendredis soirs à partir de 17h. On rappelle les mercredis à 16h. Moi, je vous retrouve aussi à Écoutons la droite chanson où on pénètre dans mon intimité. C'est les lundis à partir de 10h, jeudi à 9h en rediffusion. Et puis le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés qui passent à C'est fou. C'est les vendredis 10h, samedi midi, mercredi 13h. Allez voir lunechance.com pour tous les liens d'émission de ce soir et pour télécharger la balade de diffusion. Regardez-moi ça. Ce qu'on a joué tantôt, c'était Belle and Sebastian. C'était School of Seven Bells. On n'a pas encore entendu Belle and Sebastian. C'est ce que je viens de figurer. T'as compris. Okay. On va terminer avec ça. Dépasse un petit peu l'air. T'aimes ça? Une minute, mettons. Ah, je te le permets. Juste deux minutes. Ouais. Pour Belle et Sébastien, c'est correct. Sébastien, tu l'appelles, toi? Sébastien. T'es Belle et Sébastien. Tu dis ça de même, toi? Bonne semaine. Merci Kiwan. Merci Mathieu. Stay fine. Bye. Bye. Bonne émission. For the price of a cup of tea, you got a lot of cocoa. For the price of a night with me, you beat the Billy's Joe. For the price of a pint of milk, I'll tell you all I know about the state of the world today. Sit down, enjoy the show. You got a 7-inch shot. So black fine, not to stop your tears. You can use the stereo. It's okay.